me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment les Algériens, qui n'étaient pas encore les Algériens avant l'indépendance de l'Algérie, ont-ils pu être invisibles du point de vue juridique sur deux générations pendant 50 ans ? Comment se noue en plusieurs temps et à plusieurs niveaux la complexité, l'ambiguïté et la difficulté du rapport de la singulière immigration algérienne à la France? Quelle crise identitaire pour les Algériens? Quelle crise aujourd'hui pour l'Europe elle-même, devenue un continent d'immigration? Pourquoi distinguer migrations ordinaires et migrations extraordinaires? Nous poursuivons notre exploration des mouvements de population volontaires ou contraints, des figures d'exilés, des exodes passés ou contemporains, dans le cadre du colloque du Collège de France « Migration, réfugiés, exil » que nous diffusons sur deux semaines. Benjamin Stora, professeur des universités, président du conseil d'orientation du Musée de l'histoire de l'immigration, qui enseigne et explore depuis plusieurs années l'histoire du Maghreb contemporain, les guerres de décolonisation et l'histoire de l'immigration maghrébine en Europe, nous propose trois questions qu'il se pose depuis toujours. Il interroge d'abord la longue invisibilité de ceux qui ne sont ni Algériens, ni Français, ni sujets coloniaux, ces indigènes nord-africains venus d'Algérie, hommes sans nom jusqu'en 1962. À cette invisibilité va répondre, pour exister, une appartenance politique enracinée dans le nationalisme. D'entrée de jeu, la relation à la France s'avère compliquée. Puis l'historien interroge l'enfermement spatial, celui des bidonvilles et la double violence dans le contexte de la guerre d'Algérie, celle des répressions policières et celle, moins connue, secrète, de la guerre dans la guerre, l'affrontement entre Algériens qui a fait 4000 morts. L'identité mémorielle se complique encore. Enfin, l'historien interroge le positionnement de cette immigration algérienne dans le modèle français de l'assimilation. Comment rester fidèle à l'Algérie, à la passion nationaliste, tout en étant français et en se sentant français? Benjamin Stora note que cette relation compliquée se transmet de génération en génération. Il rappelle la nécessité d'en faire l'histoire pour se garder des mémoires dangereuses ou fantasmées. Il revient à la langue. Les Nord-Africains ne parlaient pas l'arabe, mais le berbère. Il s'agit donc de comprendre l'histoire des autres, tel est l'enjeu. En deuxième partie, François Héran, directeur de recherche à l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, nous met face à la crise de l'Europe, celle de nos propres divisions sur le dossier des migrants. Prenant les catégories non scientifiques de migrations ordinaires et extraordinaires, il nous montre les différentes situations pour la France, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni. Dans un article donné à Libération en 2015, le démographe livrait une image et des chiffres éclairants. Entre 2005 et 2012, la France a accueilli chaque année 200 000 migrants non européens. L'asile représente moins de 10%, explique-t-il, de l'ensemble, 18 000 réfugiés par an, de même que la migration de travail choisi. D'une toute autre ampleur sont les entrées liées à l'application des conventions internationales qui garantissent le droit des Français d'épouser qui ils veulent, 50 000 migrations matrimoniales par an, et le droit des étrangers de vivre en famille, 40 000 entrées au titre du regroupement familial. s'y ajoutent 65 000 étudiants non européens bénéficiant de facto du droit de s'inscrire dans une université étrangère. Or, la France compte 66,3 millions d'habitants. Qu'on imagine un stade occupé par 10 000 personnes. Les migrations des dernières années y ont fait entrer 30 personnes par an, dont 10 étudiants, 13 conjoints ou enfants, moins de 3 migrants au titre de l'asile et moins de 3 au titre du travail. De mars 2014 à mars 2015, ce seront mes derniers chiffres, la France a enregistré 64 000 demandes d'asile, soit le même nombre que les années précédentes, alors que l'Allemagne montait à 248 000. Mais laissons pour le moment cette approche comparative et gagnons tout de suite le grand amphithéâtre du Collège de France pour retrouver Benjamin Stora sur les histoires de trois immigrations en France au XXe siècle, le 14 octobre 2016. Mon intervention portera sur trois questions que je me pose à partir de ma recherche très ancienne sur l'histoire de l'immigration algérienne en France. En fait, il s'agit de trois questions que je me pose toujours autour de cette histoire de l'immigration algérienne sur laquelle je travaille depuis près de 40 ans, puisque mon premier travail était une thèse consacrée à Messali Hadj, qui lui-même était un immigré en France dans les années 1920 et qui a été un des bâtisseurs des premières organisations indépendantistes algériennes en situation de migration. Il était un immigré, donc, et qui avait fondé des organisations politiques. Et puis, naturellement, dans ce travail que j'avais commencé à la fin des années 70, il y a eu la fabrication d'un dictionnaire biographique, 600 biographies que j'ai fait, d'acteurs de ce mouvement politique, dont la plupart étaient des immigrés vivant en France, donc des portraits, des centaines de portraits d'immigrés algériens arrivant en France dans les années 20-30 jusqu'aux années 60. Donc c'est autour de ce vieux travail de recherche que je voudrais ici poser trois questions qui me paraissent importantes autour de cette immigration. La première, les trois questions sont les suivantes et je développerai ensuite chacune de ces questions. La première question porte autour de l'absence de nomination de cette immigration pendant de très longues années dans l'histoire générale de l'immigration en France. Absence de nomination, vous verrez pourquoi et dans quelles conditions on a commencé à parler de cette immigration que de manière très récente, dans un temps très récent. La deuxième question porte autour de cette immigration sur la violence autour de cette question migratoire algérienne, notamment pendant la guerre d'Algérie, la séquence guerre d'Algérie 55-62, une double violence sur laquelle je reviendrai bien sûr et qui, à mon sens, continue de peser, bien sûr, dans la trajectoire de cette immigration. Puis enfin, la troisième question porte sur une immigration donc très particulière qui est une immigration désorientée entre stratégie du retour et nécessité de l'intégration politique et qui a donc bousculé le modèle républicain classique que nous connaissons, celui de l'assimilation, puisqu'elle a été l'une des premières immigrations, si ce n'est la première, à bousculer ce schéma traditionnel entre retour et assimilation. Donc trois questions autour de l'immigration algérienne qui sont très en prise avec l'actualité politique, puisque comme vous le savez, ce n'est pas un secret, c'est qu'on a beaucoup posé de questions autour des continuités possibles entre certains acteurs qui avaient accompli des actes terroristes en France et les origines migratoires ou maghrébines ou algériennes ou autres de ces fameux acteurs qui, comme vous le savez, était intervenu dans les tueries, Charlie Hebdo, Hyper Cacher, Molenbeek, enfin bref, tout ça est très connu, vous avez tous suivi ces événements sanglants depuis maintenant 2 ans. Donc il y avait-il par conséquent des traces, des continuités, des comportements, des habitudes, des imaginaires, des représentations autour de cette histoire et de cette immigration? C'est une question qui a été posée, ou au contraire, y avait-il des discontinuités, des brisures, des séparations d'histoire, des reconstructions d'histoire. Et c'est autour aussi, bien sûr, de ces questions que je voudrais naturellement très rapidement devant vous poser d'autres questions, peut-être pour s'inscrire dans la durée, dans la longue durée, et essayer de comprendre ce qui se passe un petit peu autour de cette immigration très particulière, très singulière. Alors la première question sur le problème de la nomination. Vous savez, autour de l'immigration algérienne et plus généralement autour de l'immigration maghrébine, et je fais une parenthèse tout de suite pour dire que lorsqu'on parle très souvent en France aujourd'hui des musulmans en France, d'origine immigrée ou pas, en fait à 90% ce sont des maghrébins qui ont une histoire maghrébine, qu'ils soient ici nés en France ou ailleurs, mais ce sont des maghrébins. Donc on a oublié quelque part, c'est une parenthèse que je fais sur le plan historique, on a oublié en fait les pays de départ, en fait, et la culture historique qui sont la leur et qui ne se réduit pas naturellement exclusivement à la question religieuse. Je ferme cette parenthèse. Donc quand on parle et quand on évoque l'histoire de l'immigration algérienne en France, le problème du nom est très important. Parce que lorsque commence cette immigration, à la fin de la Première Guerre mondiale, donc par parenthèse, il y a un siècle de présence algérienne en France, puisque l'immigration commence en 1919, 1920, nous sommes en 2016, 2017, voilà déjà un siècle qu'il y a une présence algérienne en France, mais ça, on n'a pas tellement conscience sur le plan historique. Je ferme encore cette parenthèse. Le problème du nom est très important, parce que, dans le fond, ces hommes qui sont venus après la Première Guerre mondiale, ils étaient environ 100 000, entre 1919 et 1939, principalement originaires de la Kabylie, ces hommes, quel est leur statut? Quel est leur nom? Et comment les appelait-on? Ils n'étaient pas des étrangers, puisque l'Algérie, c'était la France. Donc ils ne pouvaient pas rentrer dans la catégorie étrangers, au même titre que les Italiens, les Polonais, les Espagnols, etc. Donc ce n'est pas des étrangers. Est-ce qu'ils étaient pour autant des Français, à part entière, circulant à l'intérieur du territoire national? Bien sûr que non, vous le savez. La plupart des indigènes musulmans, comme on les appelait à l'époque, n'avaient pas la nationalité française. Ils n'avaient pas pu l'obtenir. Donc ils n'étaient pas non plus des Français, à part entière. Alors, étaient-ils pour autant des sujets coloniaux, puisqu'on a utilisé aussi cette expression, notamment, entre autres, pour les Indochinois, ou par exemple, ou les Marocains? Mais non plus, ils n'étaient pas non plus des sujets coloniaux. Donc, ils n'étaient, en fait, ni des Français, ni des étrangers, ni des sujets coloniaux, mais alors qu'étaient-ils? Comment? Où étaient-ils posés, entre guillemets? Eh bien, c'est une vraie question que je me suis posée à la fin des années 70, donc il y a très longtemps, au début des années 80, tout simplement pour pouvoir les compter. Parce que comme ils n'entraient pas dans les statistiques ni des étrangers en France, ni des Français d'Algérie, puisqu'ils n'étaient ni Français, ni étrangers, ni dans les sujets coloniaux, alors comment fallait-il les compter? Combien étaient-ils? Vous voyez que la question de l'appartenance juridique renvoie à des questions beaucoup plus profondes sur la présence de cette immigration particulière. Bon, en fait, les chercheurs de l'époque, enfin, dont je faisais partie, il n'y en avait pas beaucoup, ont beaucoup travaillé sur ce qu'on pourrait appeler les archives portuaires, puisqu'ils arrivaient surtout par les ports, et à travers la recherche des noms en particulier, les embarquements notamment sur les ports d'Alger ou de Philippeville, de Beaune, etc., on pouvait repérer le nombre, disons, de ce qu'on appelle les Algériens musulmans, comme on les appelait à l'époque, ou qu'on appellera bien plus tard des Algériens. Ce qui fait que pratiquement de 1920 à 1962, c'est 1960, 61, eh bien, ils ne s'appelaient pas les Algériens. Et ils ne s'appelaient pas non plus les Français. Cette question du nom, elle est fondamentale. Parce que si vous n'avez pas la possibilité de la nomination, ça crée obligatoirement beaucoup de problèmes qu'on qualifierait aujourd'hui, entre guillemets, d'identitaires, tout simplement. Et je crois qu'on ne pense pas suffisamment à cette question-là. C'est-à-dire le fait qu'il y avait pratiquement pendant 50 ans des hommes invisibles. Pas simplement sur le plan de l'espace public et de leur circulation ou de leur ghettoisation spatiale, non. Mais invisibles du point de vue juridique. C'est quand même une sacrée question, ça. Et quand on dit 40-50 ans, ça fait beaucoup. C'est beaucoup, parce que ça veut dire sur deux générations. Sur deux générations, vous avez un problème d'absence de nomination et d'inscription, par conséquent, dans le paysage à la fois politique et culturel, d'une immigration qui, à partir de là, sera toujours considérée comme nouvelle ou démarrant en 1960. Ce qui est logique. Puisqu'au moment de l'indépendance, on a l'impression que l'immigration, dans le fond, algérienne et par extension maghrébine, commence dans les années 60, ce qui est faux. puisqu'elle avait commencé bien avant, dans les années 1920. Bon. Alors comment ces hommes sans nom vont-ils exister avec un nom ? Et comment vont-ils se forger un nom qui leur appartient en propre ? Eh bien par la politique et par l'engagement politique. Or cet engagement politique, ils ne le feront pas, à la différence des autres immigrations, par l'intermédiaire des partis, des syndicats et des organisations de la gauche française traditionnelle. PCF, SFIO, Ligue des droits de l'homme, syndicats, CGT, CGTU, vous savez, c'est toute l'histoire d'immigration hein, qu'on peut, ou à travers, disons, d'autres types d'associations sportives, religieuses ou autres. Non, ils vont entrer dans cette société, dans le fond, de manière paradoxale, par la construction d'organisations politiques qui, elles, se réclament de l'indépendance de l'Algérie, de la séparation. C'est-à-dire qu'ils récupèrent un nom en propre, le leur, à travers un combat politique et à travers la construction d'organisations politiques, l'Étoile nord-africaine en 1926, le Parti du peuple algérien, qui sont des organisations très puissantes dès ces années-là, dès les années 30, puisqu'environ sur 80 000 à 90 000 Algériens kabyles dans ces années-là, on trouve 5 à 6 000 militants de ces organisations, ce qui est considérable. 6 000 militants aguerris, entraînés, se réunissant régulièrement en cellules, parce qu'ils avaient repris le vocable de cellule en héritage reçu du Parti communiste français de l'époque, puisque le Bessali était passé par le Bessali qui est le fondateur de ces organisations, était passé par le Parti communiste, donc ils avaient repris ce vocabulaire. Donc c'est par l'engagement politique nationaliste, qu'ils se fabriquent, disons, une identité en propre. Ça, cette question-là d'origine, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que vous avez sur ce questionnement-là le problème du rapport à la France d'entrée de jeu qui est compliqué. C'est-à-dire que vous rentrez, disons, en politique, non pas par le biais d'organisations, pour aller vite, de la gauche française, qui se proposaient ou se présentaient comme des organisations protectrices hein, des étrangers en France, pour aller vite, encore que c'était plus compliqué que ça, parce qu'il y avait aussi la défense des intérêts des travailleurs français hein, par rapport aux étrangers. Mais je ne peux pas m'attarder sur toutes les questions. Mais enfin, néanmoins, les organisations de défense des droits de l'homme de cette époque-là, disons, permettaient ou étaient un outil ou un facteur, disons, comme on dirait aujourd'hui, d'intégration, disons, dans la société française. Or, le problème, c'est que ces organisations algériennes indépendantistes, elles, ont été, comment dirais-je, victimes de la politique des organisations traditionnelles de la gauche française, puisque c'est le Front populaire qui va dissoudre l'Étoile nord-africaine. Alors, je sais que ça nous éloigne beaucoup du sujet des migrants, des transports, des circulations et tout ça, mais c'est fondamental parce que l'immigration algérienne, très vite, va devenir la principale immigration maghrébine en France, celle dont on parlera aujourd'hui le plus. Donc, il faut un petit peu connaître toutes ces histoires dans le détail, sur la longue durée. Ce qui veut dire qu'il y aura une opposition très importante entre la gauche française et ses organisations algériennes, qui vont s'affronter, notamment avec le Parti communiste, ce qui ne signifie pas, bien sûr, qu'un certain nombre d'intellectuels français de l'époque vont quand même soutenir les Algériens. Je pense en particulier, c'est petit, mais je le signale, les surréalistes, comme André Breton, par exemple, ou des gens comme Daniel Guérin, militant anarchiste, qu'on a oublié aujourd'hui, mais qui était un personnage considérable, Jean Rousse, Marceau Pivert, Daniel Guérin, Fred Zeller, enfin bon, en fait, ce qu'on appellerait la gauche de la gauche, un très petit nombre de personnes qui vont soutenir, disons, les nationalistes algériens. Je dis cela parce qu'à cette époque, ces militants-là étaient qualifiés de fascistes par la gauche française. C'est-à-dire qu'ils étaient en guerre physique avec les organisations satellites du PCF et de la SFIO. Alors, c'est très important parce que lorsque ensuite cette organisation va exister en France, parce qu'elle a été dissoute en 36, elle va exister en 37, le Parti du peuple algérien, elle a été fondée à Nanterre le 11 mars 37, à Nanterre. C'est très important, Nanterre c'est un grand lieu d'enracinement hein, de l'immigration algérienne, avec plus tard la construction de ce qu'on va appeler les bidonvilles, donc le bidonville de Nanterre. Donc il y a une très vieille histoire politique et sociale derrière tout ça. Cette organisation va ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, je vais très vite parce que déjà ça fait 15 minutes, donc je ne peux pas déborder. Donc après la Seconde Guerre mondiale, c'est une organisation qui va se développer encore davantage hein, à travers une organisation qui s'appelle le MTLD, le Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques, et qui va compter près de 20 000 militants à la veille de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire avant que la guerre d'Algérie ne commence en France, en 53-54, vous aviez environ 220 000 Algériens qui vivaient en France, qu'on appelait à l'époque toujours pas Algériens d'ailleurs, mais qu'importe, nous garderons ce nom, c'est pas, sinon on va trop compliquer les choses. Et ces 220 000 Algériens immigrés qui vivaient en France, avec le début de la migration familiale, eh bien, il y a déjà 20 000 militants à la Fédération de France du MTLD. C'est considérable. C'est énorme. 20 000 militants organisés avec des pseudonymes, des cellules, des casemas. Enfin, tout ça, c'est avant la guerre d'Algérie, avant la Fédération de France du FN. C'est vous dire la tradition d'enracinement de cette immigration dans son rapport compliqué à la France et sur la question coloniale, naturellement, arc-boutée sur le problème du retour, entre guillemets, une fois la question coloniale réglée. Voilà à peu près la première question qui est celle de l'absence de nom, parce que sur l'absence de nom, dans le fond, les Algériens deviendront des Algériens en France, des immigrés algériens en France, que lorsque l'indépendance de l'Algérie sera effective, c'est-à-dire à partir de 1962, à ce moment-là, on parlera des Algériens en France. Et donc la question nationale, la question du nationalisme politique dans cette immigration est décisive. Elle est fondamentale, la question du drapeau, de l'hymne national, etc., dans une situation complexe, puisque la plupart ensuite se sont, entre guillemets, intégrés socialement dans la société française. C'est-à-dire que leur attachement nationaliste est d'autant plus fort que l'intégration sociale dans la société est forte. Donc vous avez là la naissance d'une contradiction et d'un paradoxe de cette immigration qui ne sera pratiquement jamais levée dans l'histoire suivante, dans les histoires ultérieures. La deuxième question, pour aller vite, qui va affecter considérablement cette histoire migratoire, c'est bien sûr la séquence guerre d'Algérie. Parce que là, on a une situation très, très complexe, puisque cette immigration, qui va être multipliée par deux pendant la guerre d'Algérie, puisqu'elle passera de 200 à 400 000 personnes, avec une migration familiale de plus en plus forte, cette immigration va subir une double violence. D'abord, une violence dans la ghettoisation spatiale, avec quasiment un couvre-feu à l'égard de ces immigrés dès les années 55, 56, 57, avec interdiction pratiquement de circuler à l'intérieur de l'espace urbain, brisé une fois, comme on le sait, le 17 octobre 61, et qui provoquera une répression qu'on commence à connaître maintenant dans son ampleur. Donc, par conséquent, des violences policières qui vont naturellement affecter considérablement la vie, l'histoire, le traumatisme transmis de cette immigration à travers les enfants et les petits-enfants. Mais il y aura une deuxième violence, beaucoup plus secrète, et celle-là, beaucoup moins transmise. C'est les affrontements entre Algériens, pendant la guerre d'Algérie, entre le FLN et le MNA, qui étaient les partisans de Messali, un affrontement terrible entre deux organisations indépendantistes qui se réclamaient toutes les deux du nationalisme, toutes les deux, et qui va faire 4000 morts et 12000 blessés sur le territoire métropolitain. C'est considérable, c'est gigantesque. Pratiquement toutes les villes de France ont connu cet affrontement, Lyon, Nanterre, Paris, la région parisienne, l'Est de la France, le Nord, bien sûr, Lille, Roubaix, Tourcoing, enfin bref, tous les grands centres d'enracinement de l'immigration algérienne en France vont connaître, disons, cette situation sanglante, absolument terrible, et qui sera vécue véritablement comme un secret de famille à l'intérieur de cette immigration. La transmission sur cette violence intérieure, violence bien sûr sur lesquels on pourrait revenir, sur les motivations, les origines, avec d'un côté une organisation qui voulait rester fidèle à son vieux chef, Messali, lui-même ami d'Albert Camus, etc., et l'autre organisation, le FLN, bien sûr, beaucoup plus engagé dans la fabrication, construction d'un parti unique, avec fabrication de l'interlocuteur politique central unique, et donc l'affrontement sera absolument terrible entre 56 et 62. Cette question de l'affrontement, qu'on appelait à l'époque, dans un vocabulaire journalistique, les règlements de compte, va être un grand secret de famille, forcément non, pas évidemment transmis. Je dirais même pas transmis. Ce qui, là aussi, à travers, disons, l'histoire longue, dans la longue durée, va compliquer, disons, les rapports à la France, mais aussi les rapports à l'Algérie. C'est-à-dire au pays de départ, si aimé, si espéré, disons, dans son indépendance, mais qui en même temps a existé à travers une violence absolument terrible, une sorte de double violence. Et par conséquent, l'immigration algérienne en France, qui va ensuite devenir de plus en plus importante après l'indépendance de l'Algérie jusqu'à devenir, comme vous le savez, la première immigration en France, en 1974, première immigration, immigration algérienne, eh bien, cette question, disons, du rapport à la France et à l'Algérie, je dis bien et à l'Algérie, est compliquée. parce que le retour espéré n'a pas lieu, les espoirs nés de l'indépendance vont vite se heurter à la réalité d'un système politique et économique, au coup d'État de 1965 en Algérie, de Boumdiène, etc., etc. Bref, les principaux leaders politiques, et j'allais dire Dieu sait combien la question politique était importante dans cette immigration, encore plus importante que la religion, ont été écartés de la scène politique en Algérie après l'indépendance. Mohamed Boudia, Omar Boutaoud, Ali Haroun, etc. Tous les principaux dirigeants de la Fédération de France se sont retrouvés écartés de la scène politique algérienne. Donc, c'est une immigration qui va se retrouver quelque part, entre guillemets, orpheline, à la fois de l'Algérie indépendante, mais d'une France qui ne comprend pas pourquoi elle est encore là, alors que l'indépendance de l'Algérie est arrivée et que le retour n'a pas lieu. Et à partir de là, vous avez l'ambiguïté qui commence. Donc la question du rapport compliqué, ambigu, difficile autour des immigrations maghrébines, elle vient, selon moi, bien sûr, se nouer là, dans cette contradiction initiale des années 60. Elle commence là, en effaçant, bien sûr, les problèmes que j'ai évoqués précédemment, c'est-à-dire le problème de la nomination et de l'installation dans la durée, qui est effacé, puisque là commence l'histoire d'un rapport conflictuel. D'un rapport compliqué, disons, entre cette immigration, la France et l'Algérie. Et enfin, troisième question, qui là aussi est très importante autour de cette immigration particulière, eh bien, c'est cette sorte de désorientation entre la question toujours inscrite dans les têtes et dans les cœurs du retour en Algérie et le problème de l'intégration ou assimilation, qu'importe le terme, disons assimilation, parce que c'est la tradition française, dans la société française. C'est une tradition politique, hein, parce que dans les années 30, c'était l'assimilation politique était réclamée par les Algériens eux-mêmes, c'est une parenthèse que je fais. Donc le problème du ballottement, de l'hésitation, de l'incertitude, du va-et-vient, j'allais presque dire de l'errance, entre le fait de rester attaché à l'Algérie, et en même temps de rentrer dans cette société, dans le fond ils y étaient déjà entrés, parce qu'ils étaient là depuis très longtemps, et notamment par la migration familiale et la scolarisation des enfants, ils ne pouvaient plus quelque part retourner au pays, ça on le sait dans les lois migratoires, c'est classique. Or cette espèce de va-et-vient entre la nécessité du retour transmise par l'éducation dans les familles, et l'intégration de fait qui s'accomplit dans la société, donc une intégration réelle, une assimilation réelle, y compris facilité par la langue française, pratiquée bien sûr en Algérie. Donc on a une crise identitaire qui va, elle aussi, se perpétuer, se développer, rester longtemps, pratiquement jusqu'à la fin des années 80, au début des années 90, où là, bien entendu, va se stabiliser ce problème dans le sens suivant, à mon avis, qui est le fait de se sentir, de se vivre profondément comme Français, puisque c'est la troisième génération maintenant, dans les années 90, tout en voulant absolument rester fidèle à la mémoire de leur père et de leur grand-père, qui eux n'étaient pas et ne se voulaient pas Français. Et donc on a une stabilité qui s'opère dans dans le récit identitaire, dans le récit national. Il y a cette sorte, disons, de statu quo qui s'installe, que la société française va avoir du mal à regarder en face et à accepter, parce qu'il faut dire la vérité. C'est-à-dire le fait que le modèle républicain français, comme on le sait, fondé sur l'assimilation, notamment dans l'espace public, n'admet pas le recours, disons, à l'origine perpétuée, préservée, sauvegardée. C'est une évidence. À moins qu'on me démonte l'inverse, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, personnellement, je l'ai vécu comme ça aussi. Hein. Bon. L'assimilation. C'était de cette manière aussi que ce qu'on appelait les Français d'Algérie avaient eux aussi vécu quelque part, sans le savoir, cette trajectoire, même s'ils étaient eux-mêmes Français. Mais ils ont été obligés eux aussi de s'adapter à ce modèle-là. Donc on a en conclusion une question. Cette question, dans le fond, c'est la faible connaissance de cette histoire singulière pour pouvoir apporter des réponses à la fois culturelles, universitaires, etc. Bon. Bien sûr, on a rattrapé notre retard dans le savoir académique, mais il faut savoir que, par exemple, dans les années 80, lorsque sortaient des ouvrages sur l'histoire de l'immigration en France, dans les années 80, on parlait de la mosaïque France, du creuset français, etc., il n'y avait pas un mot sur les Arabes en France, ou les Berbères, ou l'immigration algérienne, pas un mot, dans les années 80. Il a fallu attendre pratiquement les années 90 pour que, dans les travaux universitaires, émerge, disons, l'histoire de cette immigration. Mais le travail est encore long et difficile, parce que j'étais à Blois, en Corse, ce week-end, et, comment dirais-je, je regardais textes et documents pour la classe, vous savez, ce truc qui est distribué à des dizaines de milliers d'exemplaires à tous les enseignants de France et de Navarre, il n'y avait pas un mot sur l'immigration maghrébine. Embêtant, en 2016. Ouais, donc le travail est encore long. C'est pour ça que je félicite les organisateurs de ce colloque. C'est vous dire à quel point il y a encore, disons, des manques, des hésitations, des inconscients aussi qui continuent de fonctionner autour de l'immigration maghrébine et que, par conséquent, il nous faut relever, disons, encore et plus que jamais, ce défi de la connaissance de l'autre. Parce que si on ne possède pas, on ne connaît pas la langue de l'autre. Par exemple, la plupart des Algériens qu'on qualifie d'Algériens aujourd'hui en France, pendant très longtemps, ne parlaient pas l'arabe mais le berbère. Dans les années 30, par exemple, ceux qu'on appelait les Nord-Africains, etc., jusque dans les années 50, la plupart ne parlaient pas arabe. Lorsque ma mère est rentrée en usine en 1967 à Peugeot, à la Garenne-Besançon, elle parlait l'arabe, parce qu'elle appartenait à une histoire d'Algérie, de Constantine, des Juifs de Constantine, qui parlaient l'arabe, mais tous les ouvriers qui étaient à côté d'elle, qui étaient algériens, ne parlaient que kabyle. Alors elle me disait, je comprends rien. Et là, j'ai commencé à réfléchir, parce que j'étais déjà engagé politiquement, et je me disais, mais c'est quoi cette histoire où les immigrés algériens, dans une thématique idéologique de nationalisme arabe, parlent berbère? Alors je me suis dit, il faut qu'on s'y mette quand même. Il faut qu'on comprenne un petit peu l'histoire des autres. Je vous remercie. C'était Benjamin Stora sur les histoires de trois immigrations en France au XXe siècle, le 14 octobre 2016 au Collège de France. Et tout de suite, nous retrouvons François Héran, de la crise des migrants à la crise de l'Europe, approche démographique des politiques migratoires et des politiques d'accueil. L'Europe est devenue un continent d'immigration quantitativement au même titre que les États-Unis. Alors bien sûr, aux États-Unis, vous avez l'immigration illégale, qui est difficile à chiffrer, mais si on se contente de l'immigration légale, l'Europe reçoit autant de migrants que les États-Unis. L'Union européenne, 1,9 million d'immigrants pour 508 millions d'habitants, c'est du 3,7 pour 1000, du 0,37%. Je ne compte pas là-dedans les migrants qui sont internes à l'Union européenne. Les États-Unis, c'est 1 million d'immigrants pour 319 millions d'habitants. Et vous voyez que nous avons un taux d'immigration annuel qui est maintenant supérieur à celui des États-Unis. Donc il faudrait qu'on s'imprègne de cette idée. L'Europe est un continent d'immigration, un grand continent d'immigration. Et ce n'est pas surprenant. Nous sommes un continent riche malgré toutes les crises économiques, et notamment la crise de 2008, dont nous subissons encore les conséquences. Voilà. Et ce rattrapage s'est fait en 2014. Alors, je vais utiliser une expression qui n'a pas de valeur scientifique ou légale très forte, qui est un peu pragmatique. Je vais essayer de distinguer l'immigration ordinaire et l'immigration extraordinaire. L'immigration ordinaire, c'est une immigration continue. Et la France est particulièrement forte là-dessus. Nous recevons chaque année à peu près 200 000 migrants non européens à qui nous délivrons un premier titre de séjour d'au moins un an. Et au titre des droits, du droit à épouser qui l'on veut, y compris des étrangers, du droit à vivre en famille, du droit d'asile en partie aussi, et puis cette espèce de droit un peu nouveau qui est en train d'émerger, qui est le droit de faire des études supérieures dans une université de qualité à l'étranger, qui est en train de s'imposer pratiquement comme une sorte de droit. Et puis, en face de cela, vous avez la migration extraordinaire, donc ces exilés, ces fugitifs, qui frappent à la porte de l'Europe, au péril de leur vie, et évidemment au gré des conflits qui se concentrent notamment au Proche-Orient, au Moyen-Orient, dans la Corne de l'Afrique. On a aussi l'Ukraine en Europe, comme exemple de ces pays générateurs de migration, de refuge. Évidemment, si ça se répète, la migration extraordinaire entre dans l'ordinaire des choses, mais enfin, elle est quand même liée à des événements. Et vous allez voir qu'au fond, ce qui est frappant, ce qui est très très frappant, et on ne sait pas trop pourquoi, on commence à s'interroger là-dessus, les pays européens diffèrent très fortement selon leur capacité à mettre en avant la migration ordinaire, accueillir plutôt la migration ordinaire, la migration extraordinaire. Et vous allez voir à quel point les contrastes sont saisissants. Et c'est comme ça, je pense, qu'on peut essayer de comprendre un petit peu le comportement étrange de la France face à la crise actuelle. Alors, je vais commencer par quelque chose qui est assez rude, assez grossier, mais qui a l'avantage de montrer à quel point les histoires de quelques grands pays européens, je ne vais pas tous les prendre, je vais en prendre quatre simplement, diffèrent depuis les années 50 jusqu'à nos jours. Et vous comprendrez comment, pourquoi il est extrêmement difficile de coordonner, d'harmoniser des politiques migratoires quand on a des histoires aussi différentes. Et je vais commencer par prendre quelque chose de très brut, qui est la dynamique démographique des pays. Je vais commencer par la France. Et vous voyez, année après année, la croissance de la population, deux couches superposées, deux couches additives. Vous avez l'excédent des naissances sur les décès, ce qu'on appelle l'accroissement naturel, c'est une vieille expression qu'on traîne encore en démographie. Et par-dessus, l'accroissement migratoire, c'est-à-dire la différence entre les entrées et les sorties, sachant que ceci peut inclure un solde des étrangers et un solde des Français, des natifs. Alors, c'est une comptabilité qui est là pour la France, c'est faite sur la métropole, et donc vous avez en 62 cette flèche prodigieuse qui monte, ce sont évidemment les rapatriés d'Algérie, 1 million de rapatriés accueillis d'un coup en 1962. Voilà. Mais alors, ceci est exprimé non pas en chiffres absolus, mais en proportion, et les démographes utilisent non pas les pourcentages, parce que les chiffres seraient trop petits, mais les pour mille. C'est la façon habituelle qu'ont les démographes de s'exprimer là-dessus. Donc, un commentaire très rapide. Vous avez ici le baby-boom, qui dure encore, qui dure depuis 1946, qui va se terminer au milieu des années 70, un quart de naissance en moins ici, mais nous continuons d'avoir un solde naturel positif, plus de naissances que de décès, et nous sommes de loin le pays d'Europe qui a le plus fort accroissement naturel en Europe. Et puis, vous avez donc le solde migratoire. Il y a à la fois les expatriations de Français, les retours de Français, les étrangers, mais enfin, pendant toute cette période-là, sauf ici, où ça a été étudié récemment par l'INSEE, nous savons que ce solde est essentiellement le solde des étrangers. La différence étant due au fait que le solde des Français est négatif, c'est-à-dire qu'il y a plus, il y a à peu près 4 fois plus de départs de Français pendant cette période qu'il n'y a de retour. Mais ce sont essentiellement des étudiants. C'est une chose que le recensement tournant annuel de l'INSEE permet maintenant de connaître depuis très peu de temps. Voilà donc l'image de la France. Et vous voyez que la migration, même si on fait cette correction-là qui est importante, ne compte qu'au maximum pour la moitié de l'accroissement général de la population. Le plus souvent, dans toutes les périodes, les décennies récentes, c'était un tiers, un quart, cet ordre de grandeur-là. Si maintenant nous passons à l'Allemagne, c'est la même échelle, c'est en proportion. Et vous voyez tout de suite que l'histoire est totalement différente. Et vous voyez tout de suite que ce profil en montagne russe n'a rien à voir avec le nôtre. Et c'est là une des interrogations essentielles que je vais avoir dans cet exposé. Comment peut-on expliquer une telle différence entre deux pays limitrophes? Alors d'abord, vous voyez que l'Allemagne a un baby-boom très rapide, très tardif, qui dure seulement quelques années, dans les années 60, ça s'effondre. Et ensuite, le solde est négatif, ce qui veut dire qu'il y a plus de décès que de naissances dans toutes ces périodes-là, et c'est encore le cas actuellement. Et l'Allemagne est entrée dans ce qu'on appelle la seconde transition démographique, c'est-à-dire un nouveau régime démographique où les unions sont rares, sont tardives, il y a moins de naissances, et la migration, du coup, joue un rôle considérable dans le rééquilibrage de la dynamique démographique. Alors vous voyez que l'Allemagne, par rapport à la France, où je reviens, qui avait, pour sa reconstruction, fait appel à des volumes considérables de travailleurs immigrés, l'Allemagne a commencé, s'est lancée dans l'immigration un peu plus tard que la France, à peu près 7-8 ans plus tard. Et elle a eu des interruptions assez fortes liées à certaines crises économiques. Le solde migratoire à plusieurs reprises est tombé à zéro. Et ceci, cette relative faiblesse de l'immigration par rapport à la France explique qu'aujourd'hui encore, nous avons proportionnellement moins de seconde génération que l'Allemagne. La seconde génération, c'est techniquement les enfants d'immigrés, d'un ou deux immigrés, mais qui sont nés en France. Nous en avons proportionnellement moins parce que nous avons eu une continuité dans l'immigration que l'Allemagne n'a pas eue. Nous en avons plus que l'Allemagne parce que nous avons une continuité. Alors, dans les années 90, l'Allemagne a été le grand pays d'immigration de l'Europe. C'est la conjugaison de plusieurs phénomènes. Il y a d'abord la chute du mur qui amène... Alors, l'Allemagne de l'Est ne compte pas là-dedans. Hein. C'est une Allemagne qui a été rétrospectivement réunifiée. Mais vous avez, bien sûr, les Aussiedler, c'est-à-dire ce qu'on appelle les ethnic Germans, les Allemands, les Russes ou les Kazakhs. Il y a pas mal de Kazakhs aussi qui étaient plus ou moins d'origine allemande et qui ont eu une sorte de droit du retour et qui sont revenus en Allemagne. Vous avez surtout les Yougoslaves, les Croates, etc., qui se sont réfugiés en Allemagne à l'occasion des guerres de l'ex-Yougoslavie. Vous avez aussi les migrants yougoslaves qui devaient revenir chez eux, mais qui ne sont pas revenus chez eux, qui sont restés en Allemagne. Donc tout ceci fait que, dans cette année 92, qui est le sommet, vous avez eu à ce moment-là 800 000 habitants de plus en Allemagne dans cette seule année liée au sol migratoire. 800 000, c'est un chiffre à retenir, car c'est un chiffre que Angela Merkel a retenu. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Donc l'Allemagne est habituée à accueillir des réfugiés qui repartent lorsque les conflits s'interrompent. Par exemple, en 2006, 2008, 2009, des soldes sont même devenus négatifs, ce que nous n'avons jamais eu. Donc c'est une histoire totalement différente. Et bien sûr, maintenant, ça repart. Et nous avons ici le record de 2015 qui pousse le solde migratoire aux environs de 13-14%, ce qui est considérable. Alors, regardons un autre pays, l'Espagne. Troisième pays, troisième histoire. C'est vraiment spectaculaire. Hein. Je pourrais ainsi parcourir toute l'Europe. Alors, rassurez-vous, ce sera seulement le troisième de mes quatre pays. Mais vous voyez, là, l'histoire est totalement différente. Ben oui, parce que nous avons d'abord eu un pays qui n'avait pas fini sa première transition démographique. Il y avait un énorme excédent de naissance sur les décès, mais qui a fondu. Ce pays envoyait des migrants dans toute l'Europe. Donc, il avait un solde migratoire qui était négatif. Et puis, en 73-74, je ne l'ai pas commenté tout à l'heure, mais dans le cas de l'Allemagne comme dans le cas de la France, vous voyez que là, en 74, en Allemagne, on suspend l'introduction directe de travailleurs, et en Allemagne, on l'a fait un an plus tôt, en 73, l'immigration s'est interrompue. Alors l'Espagne subit, évidemment, directement le contre-coup de l'interruption de la migration de travail qui avait été décidée en 73-74 par la France et l'Allemagne suite à la crise pétrolière. Hein, c'était ça la cause première. L'Espagne entre dans l'Union européenne en 86 et puis devient un pays d'immigration. Alors que l'Allemagne avait été de loin le grand pays d'immigration de l'Europe dans les années 90, dans les années 2000, c'est l'Espagne et secondairement l'Italie. Si je vous présentais le profil de l'Italie, ce serait assez semblable, mais peut-être moins accentué. Et on est monté en Espagne dans les années 2000 à des soldes migratoires encore plus élevés que le record allemand de 2015. Comme quoi, c'est possible pour un pays hein, de recevoir un tel surcroît de population. Tout ceci, c'est proportionnel à sa population. Et puis, cette immigration très liée à la construction, à l'immobilier, donc par conséquent, mais aussi l'agriculture, le tourisme, etc., eh bien, c'est une bulle qui s'est effondrée en même temps que la bulle immobilière, la crise de 2008, et l'Espagne est maintenant redevenue un pays d'émigration, comme tous les instituts de recherche le savent, puisque nous recrutons maintenant assez souvent des chercheurs espagnols ou italiens. Voilà, alors je termine par le quatrième pays, qui est le Royaume-Uni. Alors, ce sont les sols migratoires. C'est un peu compliqué, les échanges entre la Grande-Bretagne et le Commonwealth ont été extrêmement complexes, mais vous voyez qu'on n'a pas une masse d'immigration significative dans toutes ces années-là. Et là encore, ça explique que la Grande-Bretagne actuellement est beaucoup moins de seconde génération proportionnellement que nous. Hein, d'où des problèmes de nature très différente. Et puis, le baby-boom a fait que le solde naturel, contrairement à ce qui se passe en France, connaît quand même d'assez grosses fluctuations et une très forte immigration, alors qui est partagée entre l'Europe centrale et les nouveaux pays du Commonwealth, compte maintenant énormément dans la croissance. Voilà, donc vous imaginez les difficultés qu'on peut avoir pour harmoniser une politique migratoire entre des pays qui ont des trajectoires aussi diverses. Alors bien sûr, ces données restent assez grossières, mais les contrastes sont tellement forts entre pays qu'ils gardent une valeur démonstrative quand même assez forte. Alors un exemple d'immigration ordinaire, la façon dont fonctionne l'immigration ordinaire, avant de passer à l'immigration extraordinaire, qui est l'immigration de refuge, eh bien, c'est la France. Et là, je vous présente les 200 000 personnes à peu près qui, bon an, mal an, reçoivent un premier titre de séjour des préfectures, un titre de séjour d'au moins un an. Hein, c'est ça la définition internationale de l'immigration, c'est être né étranger à l'étranger, franchir la frontière et s'installer dans le pays durablement pour une durée d'au moins un an. Et ce qui est frappant là-dedans, c'est que l'immense majorité des gens non européens, hein, ils n'appartiennent ni à l'Union européenne, ni au petit ensemble Norvège, Suisse, Islande, etc., entrent pourquoi ? Ben parce qu'ils en ont le droit. Vous avez là-dedans un groupe important, et on en parle beaucoup en ce moment dans la campagne électorale, c'est toute la migration familiale. Elle se décompose en plusieurs ensembles. En gros, ben, prenons une année moyenne comme 2010. Vous avez 50 000 personnes qui sont les familles de Français. Qu'est-ce que c'est ? Un Français a le droit, une Française a le droit d'épouser qui il veut. C'est un droit internationalement reconnu. Et il a donc le droit d'épouser une étrangère ou un étranger et de le faire venir, de faire venir ce nouveau conjoint. Et donc, il déclenche une migration que dans beaucoup de pays, pas en France, on appelle une migration matrimoniale. En anglais, parfois, on parle de marriage migration. Les Néerlandais utilisent aussi cette expression. Là, c'est conjoint de Français, c'est le titre officiel aux familles de Français. Donc, l'appelant, comme on dit, ou le demandeur, est un Français. Il a la nationalité française. Il peut être lui-même d'origine étrangère, mais il se trouve qu'il a la nationalité française au moment où il fait sa demande. Et ceci, ces 50 000 personnes qui arrivent chaque année de pays non européens, c'est plus important numériquement que le regroupement familial stricto sensu, qui est aux alentours de 33 000, 35 000, 40 000 personnes selon les années. Là, l'appelant est un étranger ou une étrangère, déjà installé en France, c'est pas un Français, mais il a le droit de vivre en famille, de mener une vie familiale normale au titre. Ça a d'abord été reconnu, alors il y a un arrêt en 78 qui reconnaît le fait que pour vivre une vie de famille normale, eh bien, il faut avoir le droit de faire venir son conjoint, il faut que ce conjoint ait le droit de travailler. Mais dès 76, le gouvernement français avait reconnu, après la fermeture de la suspension de l'immigration de travail, que ce droit devait être reconnu. Alors c'est quelque chose qui hante beaucoup la blogosphère ultra. Un jour, un méchant, Jacques Chirac, a accordé le regroupement familial aux immigrés et il est la bête noire de l'extrême droite pour cette raison-là. Alors parfois, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui est visé. En fait, ce n'était pas du tout une décision personnelle, c'était quelque chose, une décision qu'on ne pouvait pas ne pas prendre et que le Conseil d'État, d'ailleurs, selon la très belle formule des juristes, le Conseil d'État a dégagé un principe universel qui est le droit à vivre en famille. Et ce droit ensuite, alors cet arrêté est maintenant un petit peu obsolète, il a été surclassé en quelque sorte par la Convention internationale des droits de l'homme, Convention européenne, qui, partant un peu d'une autre base, mais reconnaît le même droit. Donc, alors ce sont les conjoints et les enfants, c'est la famille nucléaire stricte. Alors s'ajoute à ça les étudiants dont, auxquels j'ai déjà fait allusion, et vous voyez que leur nombre augmente. L'agence Campus France fait une publicité du tonnerre pour attirer les meilleurs étudiants étrangers, et ça marche. Nous faisons partie des 4 ou 5 pays au monde qui attirent des étudiants, avec les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, l'Australie, enfin, il n'y en a pas beaucoup. Nous sommes dans le groupe des 5. Et puis, vous avez deux minces couches qui ne représentent même pas 10% du total chacune. L'asile, dont nous allons parler maintenant plus longuement. Sur les 200 000, ça n'atteint pas, ça n'a jamais atteint 20 000 personnes par an. Alors, c'est pas ce ne sont pas les décisions positives de l'OFPRA, de la Cour nationale du droit d'asile, parce que s'y ajoutent aussi des personnes qui ont bénéficié, par exemple, du droit à être soignées en France de façon durable. Enfin, ça regroupe un certain nombre de situations humanitaires. Et là-dedans, la migration directe de travail, c'est très peu de choses. Alors j'ai enlevé là-dedans, parce qu'il y a un titre de séjour donné aux saisonniers qui reviennent au moins 3 années de suite, je n'ai pas inclus le travail saisonnier, c'est uniquement le travail non saisonnier qui est inclus là-dedans. Ben là aussi, ça fait 8% du total. C'est très très faible. Dans certains pays du nord de l'Europe, la migration de travail, c'est plutôt 20% du total de la migration. Au Canada, c'est 40%, quelque chose comme ça. Donc, pendant tout le quinquennat Sarkozy, mais je rappelle que Sarkozy a été durant 9 années, a eu la haute main sur la politique migratoire de la France pendant 9 années, comme ministre de l'Intérieur à 2 reprises, et comme président de la République, où, d'après tous les témoignages qui ont été écrits, il était lui-même le ministre de l'Intérieur. Donc, pendant 9 ans, il a été à la tête de la politique migratoire de la France, et pendant ces 9 ans, ben, finalement, on a une stabilité extraordinaire du nombre d'entrées de non-européens, malgré tous les discours qui tendaient à faire l'inverse. Mais au début, il y avait, vous vous souvenez, passé de l'immigration subie à l'immigration choisie. Vous vous souvenez de ce slogan qui sonnait très bien, qui avait une assonance qui frappait les esprits. Et l'idée, à l'époque, c'était de faire en sorte que la migration de travail choisie, alors il y avait un peu le modèle canadien dans les têtes, devait être au moins aussi importante que toute la migration familiale. C'était ça l'objectif. Il a été proclamé, annoncé à plusieurs reprises de façon extrêmement claire. Il domine tout le débat parlementaire de la loi de 2006, qu'il faut étudier en détail. Et vous voyez qu'on ne s'est jamais, jamais à aucun moment approché de cet objectif. Pourquoi ? Ben, d'abord parce qu'on n'a pas fait grand-chose pour attirer les travailleurs. Le Canada, par exemple, si vous voulez migrer au Canada, il y a un site, vous y allez en quelques minutes, vous découvrez si vous êtes éligible ou pas. C'est extraordinairement efficace. Il y a des points, et puis si vous êtes diplômé du supérieur, si vous avez des années d'expérience professionnelle, si vous parlez à la fois l'anglais et le français, et que vous êtes ni trop jeune ni trop vieux, ça c'est assez cruel, le système canadien, par exemple, moi je peux plus immigrer au Canada, je suis beaucoup trop vieux, voilà. Mais vous accumulez des points en fonction de ces critères, c'est un concours sur capital humain. C'est ça le principe. C'est pas un rapprochement des besoins des entreprises sur le marché du travail, hein. C'est vraiment un concours individuel sur capital humain. On n'a pas organisé ça, on a préféré le système des métiers en tension, je ne m'étends pas là-dessus, qui était une usine à gaz qui n'a jamais fonctionné. Donc du coup, échec total de la politique d'immigration choisie, et c'est en mars-avril 2010 que Claude Guéant, qui venait d'être nommé ministre de l'Intérieur quelques semaines auparavant, décide très abruptement de mettre fin à la politique d'immigration choisie. Et au fond, la politique d'immigration choisie elle-même était considérée comme étant subie, quoi. Tout était subi. Voilà, donc ça c'est l'immigration ordinaire. Alors pourquoi l'échec ? Même parce que tout le reste c'est les droits, c'est en application des droits que nous recevons tous ces migrants. C'est la logique des droits et pas la logique du marché. Alors du coup la France est très peu équipée pour s'occuper des migrants extraordinaires. Par exemple, nous ne faisons pas partie des 20 premiers pays donateurs du Haut Commissariat aux réfugiés. Nous oublions de payer notre cotisation, nous la payons très tardivement, enfin ceci se vérifie très régulièrement. Nous avons reçu des demandes d'asile juste avant la crise, au troisième trimestre 2015, qui étaient en nombre très, très réduit. Vous voyez, ça, ce sont des nombres absolus. La Hongrie en avait autant que l'Allemagne. Ça ne nous a pas empêché. Alors, quand on rapporte tout cela à la population par million d'habitants, on a encore une image très différente. Et vous voyez que la France, juste au début de la crise des migrants, recevait un nombre très, très faible de demandes. Ça ne nous a pas empêché. J'ai pris une tête de flèche gauloise du musée. C'est Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères à ce moment-là, a donné une belle leçon de démocratie aux Hongrois en disant que c'était vraiment de fermer leurs frontières comme ils le faisaient pour les immigrants. C'était pas du tout moral, c'était contraire aux grands principes, etc. D'accord. Enfin, c'était une leçon qu'on donnait de cette position-ci à cette position-là. Quoi. Bon. Donc, je trouve que c'est intéressant quand même de se dire, avant de parler morale, éthique, etc., il faudrait quand même avoir un peu une idée des ordres de grandeur. Ce qu'on n'avait pas du tout en tête à l'époque. Alors, bon, je rappelle, parce que les chiffres ont été rappelés par Stora, 65 millions de personnes déplacées de force dans le monde. Les pays en voie de développement en accueillent 86%. Et ici, vous avez une série de cartes que vous pouvez trouver sur le HCR. Là, ce sont les personnes déplacées au sein de leur pays. Donc, vous avez là les pays qui sont en quelque sorte générateurs d'immigration forcée. Tout ceci est connu. Là, vous avez les pays qui accueillent les réfugiés des pays voisins. Et là, vous voyez que l'Europe pèse quand même pas très lourd à côté de tout ce que la Turquie, le Liban, le Pakistan, mais aussi l'Iran doivent accueillir. C'est vraiment très spectaculaire. Et puis, quand on regarde les demandes d'asile en cours, donc les gens qui sont arrivés sur place et qui ont déposé une demande d'asile, vous voyez que c'est l'Allemagne, et la Suède et la Turquie aussi, qui sont loin en tête. La France est quand même très loin derrière. Alors, bien sûr, quand on prend les réfugiés statutaires, c'est l'Europe qui a accueilli le plus grand surcroît de réfugiés au cours de l'année 2015. En termes relatifs, c'est bien sur l'Europe que l'essentiel du surcroît s'est fait. Mais vous voyez que l'Afrique subsaharienne, notamment l'Afrique du Sud, qu'on oublie toujours, est aussi un grand pays d'accueil des immigrés. Alors nous connaissons des crises de l'asile régulièrement en France. Nous avons bien sûr l'impact des guerres de l'ex-Yougoslavie, du Kosovo, la crise actuelle. Mais quand on regarde les chiffres par rapport à ce qui se passe en Europe, en gros, nous accueillons grosso modo un dixième de ce qui déboule en Europe, à peu près. Hein. Et à chaque fois, c'est l'Allemagne quand même qui prend à sa charge le plus gros du surcroît. Avec des taux d'acceptation qui sont évidemment actuellement très forts pour les Syriens, ou pour les Irakiens, les Afghans, etc., et plus du tout pour les Albanais. Ça, c'est un schéma pour toute l'Europe, mais qu'on retrouve en France, simplement, toutes les nationalités ne viennent pas chez nous. Alors, un des problèmes intéressants, c'est l'échec du plan Juncker, vous savez, ce plan apparemment très rationnel, qui devait répartir tous les migrants en Europe, les migrants excédentaires qui étaient retenus dans certains pays du sud de l'Europe, où, et il fallait que cette répartition soit proportionnelle à la population du pays de destination, proportionnelle à leur PIB, inversement proportionnelle au taux de chômage, ça c'est la France qui l'a demandé dans les négociations, inversement proportionnelle au nombre de demandes d'asile déjà traitées depuis 5 ans. Et bon, ça ne s'est pas fait, hein. Ce plan a complètement échoué. Il a échoué pour toute une série de raisons. Bien sûr, il y a la souveraineté, bien sûr, il y a toutes les craintes de l'opinion publique, bien sûr, il y a... l'islamophobie, enfin, il y a toutes ces questions-là. Il y a aussi les préférences des migrants eux-mêmes, car c'est très difficile maintenant de faire un plan de réallocation des migrants qui ne tiennent pas compte des préférences des migrants et du degré d'information qu'ils ont sur les pays. Les migrants, moi j'ai pu le voir en Croatie, savent combien Marine Le Pen a de part dans l'électorat en ce moment. Et ce sont des informations dont ils tiennent compte. L'Allemagne, quel a été son raisonnement? Il y a l'expérience de 92, j'en ai déjà parlé. 800 000 personnes qu'on peut accueillir alors qu'on est 80 millions, c'est 1%, donc ça semblait logique, ça semblait simple. L'intérêt bien compris, certes, et puis il y a toutes les valeurs morales, et ça on le sous-estime complètement, ça a certainement beaucoup joué. Nous sommes dans un pays républicain qui a beaucoup de mal à comprendre ces choses-là, et du coup on a des organisations caritatives qui sont très puissantes en Allemagne. Alors, il y a encore beaucoup de choses à rechercher sur toutes ces questions-là. Il est clair que, par exemple, et je terminerai là-dessus, une des grandes différences entre la France et l'Allemagne, mais c'est une hypothèse, c'est que nous sommes un pays très juridique. Les associations sont des associations de juristes qui veillent à l'application des droits, qui notamment font en sorte que la migration ordinaire puisse fonctionner comme je l'ai montré, alors qu'en Allemagne, on a beaucoup moins cet esprit-là, on a beaucoup plus une organisation humanitaire, une sensibilité à un certain nombre de valeurs qui font qu'on est capable de se mobiliser pour la migration extraordinaire, ce qui est très très peu le cas en France. Voilà, merci beaucoup. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter François Héran, de la crise des migrants à la crise de l'Europe, approche démographique des politiques migratoires et des politiques d'accueil. Et en première partie, vous avez écouté Benjamin Stora sur les histoires de trois immigrations en France au XXe siècle. Nous vous proposons de larges extraits des contributions du colloque « Migration, réfugiés, exil ». Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion. Parmi les nombreuses publications de Benjamin Stora, rappelons la biographie de Messali Hadj, rééditée chez Hachette Littérature Poche en 2004. Plus récemment, « La guerre d'Algérie expliquée à tous au seuil » en 2012. « Les clés retrouvées, une enfance juive à Constantine » chez Champ Flammarion en 2016. et il a contribué à l'ouvrage collectif « Mouvement migratoire, une histoire française » qui vient de paraître aux éditions « L'âge d'homme ». François Héran a publié « Parlons immigration en 30 questions » à la Documentation française en 2016. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti, un grand merci à Boris Boutlerov. Demain, suite du colloque avec l'exode érythréen par Hélène Thiollet et en deuxième partie, le droit d'asile à l'épreuve des politiques migratoires par Daniel Lochac. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.